connaître et te rencontrer. Je ne savais pas comment te trouver si tu étais là. Ensemble, auprès, ensemble, au loin. Ensemble, auprès, ensemble, au loin. Je voulais te connaître, je voulais te voir. Je voulais te connaître et te parler. Je voulais te connaître, je te cherchais. Je pensais toujours que tu m'attendais, qu'on se trouverait ensemble, auprès, ensemble, au loin, ensemble, auprès, ensemble, au loin. Je voulais te connaître, je te cherchais. Je voulais te connaître, je voulais te voir. Je voulais te connaître et te parler. Je ne savais pas comment te trouver si tu étais là ensemble. Je voulais te connaître, je te cherchais. Je voulais te connaître et te rencontrer. Je voulais te connaître, je voulais.